Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله اتقوا الله وعليكم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمسكوا بها فإن فيها النجاة يقول الله سبحانه وتعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون serviteurs d'Allah, craignez Allah et suivez la sunna de votre messager sallallahu alayhi wa sallam, car dans le fait de suivre sa sunna il y a un salut pour vous. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran ce qui signifie: suivez ce qui a été descendu venant de votre Seigneur et ne suivez pas d'autres alliés que lui, mais vous vous souvenez peu. وَيَقُولُ عَنِ الرَّسُولِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَعَنْ سُنَّتِهِ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Allah subhanahu wa ta'ala dit au sujet de son messager et au sujet de la sunna, il ne prononce pas une parole sous l'effet de la passion, ce n'est rien d'autre qu'une révélation qui lui est inspirée, une révélation qui lui est révélée. Et donc il ne parle pas selon ses désirs ou selon sa passion. Et lorsqu'il parle, c'est une révélation qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala an ta'ati ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam wa annahu shartun fil iman. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala innama al-mu'minun alladhina amanu billahi wa rasulihi wa idha kanu ma'ahu ala amrin jami'in lam yadhhabu hatta yasta'dhinu. Allah subhanahu wa ta'ala mentionne au sujet de l'obéissance au messager sallallahu alayhi wa sallam que c'est une condition dans la foi. Allah subhanahu wa ta'ala dit: les vrais croyants sont ceux qui croient en Allah et en son messager et qui, lorsqu'ils sont en sa compagnie pour une affaire d'intérêt général, ils ne s'en vont pas avant de lui avoir demandé la permission. ويقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. Allah subhanahu wa ta'ala dit également: ô vous qui avez cru, craignez Allah et croyez en son messager pour qu'il vous accorde deux parts de sa miséricorde et qu'il vous assigne une lumière à l'aide de laquelle vous marcherez et qu'il vous pardonne, car Allah est pardonneur et très miséricordieux. ويبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم له واجب التوضيح والبيان. يقول الله سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. الله سبحانه وتعالى dit ce qui signifie: et vers toi, ô Muhammad, nous avons fait descendre le Coran pour que tu exposes clairement aux croyants ce qui a été révélé pour eux et pour qu'ils réfléchissent. ويقول الله سبحانه وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. C'est-à-dire ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il vous donne, prenez-le, et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Et donc on peut comprendre dans les versets qu'on vient de mentionner qu'on ne peut pas suivre l'islam sans suivre la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Comment quelqu'un pourrait-il comprendre et savoir comment se purifier s'il ne suit pas l'exemple et la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que quelqu'un peut comprendre et connaître la tahara, la purification, et comment faire al-wudu, et comment faire al-ghusl, s'il n'a pas appris de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué à ce sujet dans la sunna, et en se basant uniquement sur ce qui est mentionné dans le Coran? Est-ce que quelqu'un peut savoir les règles de la salat et les détails de la salat uniquement en se basant sur le Coran et sans retourner à la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que quelqu'un peut connaître les détails des règles de la zakat uniquement en se basant sur le Coran sans retourner aux règles de la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que quelqu'un peut connaître les règles du jeûne et savoir les détails qui sont reliés au jeûne uniquement en se basant sur ce qui est mentionné dans le Coran et sans retourner à la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam? Et que dire du hajj, et que dire des autres règles de l'islam? Personne ne peut suivre les règles de l'islam et connaître les détails de l'islam et des règles de l'islam sans retourner à l'exemple et à la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, puisque c'est dans la sunna que les détails sont clarifiés et que les exemples sont expliqués. Et la sunna est une explication et une interprétation du Coran. يقول صلى الله عليه وسلم كان جبريل ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. C'est-à-dire que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit que Jibril descendait avec la sunna de la même manière qu'il descendait avec le Coran. Et il a dit: certes, on m'a donné le Coran et quelque chose de semblable avec. Certes, on m'a donné le Coran et quelque chose de semblable avec. Et ceci donc vient montrer l'égarement de ce qu'on appelle al-Qur'aniyoun, c'est-à-dire ceux qui se basent uniquement sur ce qui est dans le Coran et qui rejettent la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à l'exemple de ce qu'on appelle al-Qadianiyya ou bien al-Ahmadiyya. Ce sont des exemples de gens qui rejettent l'exemple de la sunna ou ce qui est dans la sunna et qui prennent ou qui prétendent vouloir uniquement prendre ce qui est dans le Coran. Et les ulama d'Ahl-Sunna, hein, il y a un consensus, un ijma à ce sujet, que celui qui rejette la sunna, il n'est pas parmi les musulmans, il ne fait pas partie des musulmans, et qu'il fait partie des kuffars pour avoir rejeté la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَعَ اللَّهِ. Quiconque obéit au messager a certainement obéi à Allah. ويقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. Ô vous qui avez cru, obéissez à Allah et à son messager et ne vous détournez pas de lui quand vous l'entendez parler. ويقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. الله سبحانه وتعالى dit dans ce verset ce qui signifie: Ô les croyants, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Puis si vous vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah et aux messagers. Si vous croyez en Allah et au jour dernier, ce sera bien mieux pour vous et d'une meilleure interprétation et aboutissement. Et on voit dans ce verset que Allah subhanahu wa ta'ala, il s'adresse aux croyants et il dit « Obéissez à Allah et obéissez aux messagers ». Et donc l'ordre d'obéir à Allah et d'obéir aux messagers est mentionné, c'est-à-dire le verbe impératif, obéissez, hein, ati'u Allah wa ati'u Rasul. Donc on voit que c'est au même degré et au même niveau. Puis ensuite, l'ordre d'obéir aux dirigeants, il vient mais sans le verbe impératif, c'est-à-dire wa ulil amri minkum. Donc le fait qu'il n'y a pas le verbe impératif devant ulil amr, les ulamas ont expliqué à ce sujet-là que ça signifie que l'obéissance aux dirigeants est limitée par l'obéissance d'Allah et de son messager, et que si le dirigeant ordonne de faire quelque chose qui rentre en contradiction avec l'obéissance d'Allah et de son messager, eh bien dans ce cas-là, il n'y aura pas d'obéissance, puisqu'on ne peut pas obéir dans la désobéissance d'Allah. Puis ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset, et si vous vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah et au messager. C'est-à-dire, renvoyez-le au Coran et renvoyez-le à la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam après sa mort. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit, قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, obéissez à Allah et au messager. Et si vous tournez le dos, Allah n'aime pas les kafirines. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit également, تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ. Tels sont les ordres d'Allah, et quiconque obéit à Allah et à son messager, il le fera entrer dans les jardins, sous lesquels coulent les ruisseaux, pour y demeurer éternellement, et voilà la grande réussite. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager, et transgresse ses ordres, il le fera entrer au feu pour y demeurer éternellement, et celui-là aura un châtiment avilissant. Et donc ça c'est la preuve que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous ordonne de suivre son messager, d'obéir à lui et à son messager. Et donc ça implique de suivre et d'obéir à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça c'est la preuve que le Coran est préservé de même que la sunna. Allah subhanahu wa ta'ala dit également, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا. Quiconque obéit à Allah et aux messagers, ceux-là seront avec ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits, les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. Et bonne compagnie que ceux-là. Cette grâce vient d'Allah et Allah suffit comme parfait connaisseur. ويقول تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Non, par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu'ils ne t'auront demandé de juger dans leurs disputes et qu'ils n'auront éprouvé nulle angoisse pour ce que tu auras décrété et qu'ils s'y soumettent d'une soumission complète. C'est-à-dire qu'ils se soumettent à la sentence du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et à son jugement. Allah subhanahu wa ta'ala dit « La taj'alu du'a al-rasul baynakum ka du'a ba'dikum ba'da » قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ce qui signifie, ne considérez pas l'appel du messager comme un appel que vous vous adressiez les uns aux autres. Allah connaît certes ceux des vôtres qui s'en vont secrètement en s'entrecachant. Que ceux donc qui s'opposent à son commandement prennent garde qu'une épreuve ne les atteigne ou que les atteigne un châtiment douloureux. C'est-à-dire que ceux qui désobéissent et contredisent l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam et son ordre soient frappés par une fitna ou par un châtiment douloureux. ويقول الله سبحانه وتعالى مواصفا المنافقين أنهم هم الذين يعرضون عن حكم الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يقبلون حكمه. الله سبحانه وتعالى يقول وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala mentionne que ceux qui se détournent du jugement qui vient d'Allah et de son messager, que ça c'est une des caractéristiques des munafiqoun, c'est-à-dire des hypocrites. Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, et lorsque tu leur dis, venez vers ce que Allah a fait descendre, et vers le messager, c'est-à-dire vers la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu vois les munafiqoun, c'est-à-dire les hypocrites, s'écarter loin de toi. ويقول كذلك يقول الله سبحانه وتعالى في آية أخرى ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم لا يخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. Et ils disent, nous croyons en Allah et au messager, et nous obéissons. Puis après cela, une partie d'entre eux fait volte-face, c'est-à-dire ils se détournent. Ce ne sont point ceux-là les croyants. Et quand on les appelle vers Allah et son messager, pour que celui-ci juge parmi eux, voilà que quelques-uns d'entre eux s'éloignent. Mais s'ils ont le droit en leur faveur, ils viennent à lui soumis. C'est-à-dire lorsque le jugement est en leur faveur, dans la sunnah, ils acceptent le jugement d'Allah et de son messager. Mais lorsque le jugement d'Allah et de son messager est contre eux, tout d'un coup, ils ne veulent plus retourner à son jugement. Ils veulent un autre jugement. Y a-t-il une maladie dans leur cœur? Ou doutent-ils? Ou craignent-ils qu'Allah les opprime ainsi que son messager? Non, mais ce sont eux les injustes. La seule parole des croyants, quand on les appelle vers Allah et son messager, pour que celui-ci juge parmi eux, et nous avons entendu et nous avons obéi. Et voilà ceux qui réussissent. Et quiconque obéit à Allah et à son messager et craint Allah et le redoute, alors voilà ceux qui récoltent le succès. Et ils jurent par Allah en serment solennel que si tu leur ordonnais, ils sortiraient à coup sûr au combat. Dis, ne jurez donc pas. Votre obéissance verbale est bien connue. Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Dit, obéissez à Allah et obéissez au messager. S'il se détourne, alors le messager n'est alors responsable que ce dont il est chargé et vous assumez ce dont vous êtes chargé. Et si vous lui obéissez, vous serez bien guidé. Et il n'incombe au messager que de transmettre explicitement son message. ويقول تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ويقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, et il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager, s'est égaré certes d'un égarement évident. وَيَقُولُ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. الله سبحانه وتعالى dit: Ô vous qui avez cru, ne devancez pas Allah et son messager. Et craignez Allah, Allah est audient et omniscient. Ô vous qui avez cru, n'élevez pas vos voix au-dessus de la voix du messager et n'haussez pas le ton en lui parlant, comme vous le haussez les uns avec les autres, sinon vos œuvres deviendraient vaines sans que vous vous en rendiez compte. Et les ulama de tafsir ont expliqué que cela implique également et signifie aussi que lorsque vous avez entendu la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam sur un sujet, vous n'avez pas le droit par la suite d'émettre vos opinions et de placer vos points de vue personnels et vos opinions personnelles au-dessus de la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sinon, eh bien, vous êtes sous la menace de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans ce verset-là, que c'est-à-dire, sinon vos œuvres deviendraient vaines sans que vous vous en rendiez compte. Ceux qui, auprès du messager d'Allah, baissent leur voix, sont ceux dont Allah a éprouvé les cœurs pour la piété, ils auront un pardon et une énorme récompense. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعة ضلالة. L'imam de Ahlul Sunnah, l'imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, il a écrit un livre qui s'appelle Usul Sunnah. Et dans les premiers points qu'il mentionne dans ce livre, il dit, les fondements de la Sunnah pour nous sont le fait, premièrement, de s'accrocher à ce que suivaient les compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et de les prendre comme exemple et comme modèle et de les suivre, et d'abandonner les innovations, et que toute innovation est un égarement. Il n'y a pas de bonnes égarements, il n'y a pas de bonnes bid'a, il n'y a pas de bonnes égarements. Toutes les égarements sont mauvaises et toutes les bid'a sont mauvaises. Et la raison pour laquelle on explique ceci aujourd'hui et on mentionne ces points aujourd'hui, les preuves du Coran, les preuves de la Sunna, les preuves des paroles des ulama et des imams de Ahlus Sunna, c'est pour faire comprendre un point qui est très important. C'est que quand on parle de la Sunna, beaucoup de gens sont confus et sont mélangés. Et ils ignorent parfois qu'est-ce qu'on veut dire par la sunna. Donc, lorsqu'ils voient, par exemple, parmi les musulmans, des gens qui ont la barbe, des gens qui portent un chapeau ou une taqiyya, ou bien des gens qui portent un qamis, ou des gens qui ont une apparence de ce qui inspire yani, l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son apparence extérieure, ou bien lorsqu'ils voient des femmes porter un habit, qui respectent les règles de la charia de l'islam, comme le djilbab et le niqab et le khimar, et ainsi de suite, eh bien, ils s'imaginent que lorsqu'on parle de la sunna, on se limite à vouloir désigner ces choses en apparence seulement. et que lorsqu'on décrit quelqu'un comme étant sur la sunna, il pense qu'on parle de quelqu'un qui a respecté les apparences extérieures qui ont rapport avec les éléments de la sunna. Alors qu'en réalité, lorsqu'on dit de quelqu'un qu'il est sur la sunna ou qu'il suit la sunna, c'est plus que ça et c'est beaucoup plus fondamental que ça. Puisqu'on parle en particulier de suivre l'exemple de la sunna dans les bases de la religion, dans les bases de la sunna et dans les fondements de la sunna. Et non pas seulement de suivre et de respecter certains éléments de la sunna. Quelqu'un peut suivre certains éléments de la sunna, comme par exemple porter une barbe, avoir un qamis, ou bien respecter certaines règles de la sunna, comme par exemple manger avec les doigts lorsqu'il fait, il mange son repas, il mange avec ses doigts, ou bien il respecte certaines façons lorsqu'il dort, il s'allonge sur le côté droit, ou des choses de ce genre. Tout ça, ça fait partie de la sunna, et c'est des choses qui sont des éléments de la sunna. Toutefois, si quelqu'un fait ces choses-là, mais qu'en même temps il contredit des fondements de la sunna, on ne dira pas de cette personne qu'il est sur la sunna, même s'il a des apparences ou des éléments extérieurs qui montrent qu'il respecte certaines apparences ou certains éléments qui sont dans la sunna. Par exemple, si vous voyez un homme qui porte la barbe, qui porte le qamis, qui porte un turban ou bien un chapeau sur sa tête, ou une femme qui avec le djilbab et avec le khimar et avec le niqab ou des choses de ce genre, et elle porte des gants, et puis tu la vois par exemple comme ça, puis que par la suite elle adore les tombes, ou il adore les tombes, ou il se prosterne devant des êtres humains, ou par exemple il défend les manifestations et les révoltes qui se font dans les pays musulmans, ou bien il défend des groupes ou des sectes ou des individus, ou bien il défend le fait de faire le takfir des musulmans pour des péchés qu'ils ont commis, ou bien il défend les élections et des choses de ce genre. Il défend des turuq soufis, il défend des bid'ahs, il défend des groupes de bid'ahs. Il place sa passion devant les textes et les fondements et les textes et les preuves du Coran et de la Sunna. Lorsque tu lui ramènes des preuves du Coran et de la Sunna, il rejette ces preuves et il place sa raison par devant et sa logique par devant et ses passions devant les preuves du Coran et de la Sunna. Donc ces personnes, tu peux penser que ce sont des gens qui sont sur la sunna par rapport à leur apparence extérieure, mais pourtant ce sont des gens qui suivent la bid'a, qui sont sur l'égarement, qui contredisent la sunna dans ses fondements. Et donc c'est pas suffisant juste de suivre certains éléments de la sunna, mais il faut comprendre que si quelqu'un contredit les fondements de la sunna, même s'il suit certains éléments, c'est pas suffisant. Et donc ça, c'est pour nous faire comprendre en même temps que c'est important de connaître la différence entre les éléments de la sunna et les fondements de la sunna. Et si quelqu'un veut apprendre et connaître les fondements de la sunna, il y a des livres qui ont été écrits par les imams de l'islam depuis l'époque des salafs qui expliquent aux musulmans quels sont les fondements de la sunna. Comme par exemple, au sous le sunna de l'imam Ahmad ibn Hanbal, et également au sous le sunna de son fils, Abdullah ibn Ahmad. L'imam Al-Marwazi, il a un livre qui s'appelle la Sunna. L'imam Ibn Abi Asim, il a un livre aussi qui s'appelle la Sunna. L'imam Al-Ajurri, il a un livre qui s'appelle Al-Sharia, qui explique les fondements de la Sunna. Et également, par exemple, l'imam Al-Barbahari, qui explique aussi les fondements de la Sunna. Et il y en a des listes et des listes comme ça de livres écrits par nos imams, les imams des salafs à leur époque, qui nous expliquent les fondements de qu'est-ce que c'est la Sunna. Qu'est-ce que c'est Al-Iman et qu'est-ce qui oppose la foi parmi les différentes sectes? Qu'est-ce que c'est la voie de Ahl-Sunna par rapport aux gens qui font des grands péchés, par opposition aux Khawarij et par opposition aux Murji'a? Qu'est-ce que c'est, par exemple, la position de Ahl-Sunna par rapport au Tawhid d'Allah et au nom et aux attributs et à l'unicité d'Allah? Tout ça, c'est expliqué et clarifié dans ces livres. Et donc, de connaître ces fondements-là, c'est fondamental et c'est beaucoup plus important. Ça ne veut pas dire que d'avoir la barbe ou de porter le qamis, que ce n'est pas important. Au contraire, c'est très important puisque ça fait partie des éléments qui sont mentionnés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ordonnés par rapport à la barbe, par exemple. Il y a des hadiths clairs sur ça. Sauf que, si quelqu'un, par exemple, porte la barbe mais contredit dans les choses plus fondamentales, eh bien, on ne pourra pas dire de cette personne qu'elle est sur la sunna. Hein? Et il y a des gens, par exemple, comme des groupes qui prétendent faire la da'wa et qui vont, par exemple, de ville en ville, de mosquée en mosquée, qui appellent les gens à certains éléments de la sunna, mais pourtant qui défendent dans leur fondement des choses qui sont fondamentalement en contradiction avec la sunna dans les bases de s'opposer aux innovations, de s'opposer aux sectes, de s'opposer aux groupes de bid'a. Alors, si quelqu'un contredit dans ça, même s'il a une apparence d'être sur la sunna, il n'est pas sur la sunna. Et il y a beaucoup de paroles de nos salafs qui nous expliquent justement comment agir par rapport à ces situations-là et comment distinguer par rapport à ces gens-là. Par exemple, Mifdal ibn al-Muhalhal, il a dit, si le mubtadi', lorsque tu t'assois avec lui, se limitait à te parler de sa bid'ah du premier coup, tu pourrais prendre garde et tu pourrais le fuir. Toutefois, il vient te parler des paroles de la sunna au début de la discussion, puis il entre sur toi avec sa bid'ah, et il se peut que cette bid'ah reste dans ton cœur. Et quand est-ce qu'elle va sortir une fois qu'elle est rentrée? Hisham a dit à Al-Hassan et Muhammad ibn Sirin, ne vous assoyez pas avec les gens de la passion, Ahlul Ahwa, c'est-à-dire les gens de bid'ah, et ne débattez pas avec eux, et n'écoutez pas leurs paroles. Ça, c'est des fondements parmi les fondements d'Ahlul Sunnah, la façon comment ils agissent avec les gens de bid'ah. Al-Khouayl, un des parents de la femme de Shu'ba ibn al-Hajjaj, a dit, j'étais chez Younous ibn Ubayd, et un homme est venu et a dit, oh Younous, est-ce que tu nous interdis de nous asseoir avec Amr ibn Ubayd? Et Amr ibn Ubayd était un mubtadi' de la secte des Qadariyya, c'est-à-dire quelqu'un qui rejette la foi en la prédestination. Il ne croit pas en la prédestination. Donc Amr ibn Ubayd, c'était un innovateur, et les salafs interdisaient aux gens de s'asseoir avec lui. Alors il dit, est-ce que tu nous interdis de nous asseoir avec Amr ibn Ubayd alors que ton propre fils vient de rentrer chez lui? Alors il a répondu, il a dit, mon fils? Alors l'homme lui dit, oui. Alors Younous se mit en colère. Et juste à ce moment, son fils entra. Younous dit à son fils, oh mon fils, tu connais ma position vis-à-vis de Amr ibn Ubayd, et tu es rentré chez lui. Son fils se mit à s'expliquer, à donner des excuses. Younous dit, j'interdis le zina, j'interdis le vol, j'interdis l'alcool, mais je préfère que tu rencontres Allah avec tous ses péchés plutôt que de te voir rencontrer Allah avec les idées de Amr ibn Ubayd et de ses compagnons qui font partie des Qadariyya. Saïd ibn Amir a dit, jamais on n'a vu un homme meilleur que Younous. C'est-à-dire que pour eux, le péché que tu commets, c'est moins grave que l'innovation que quelqu'un peut faire. La négation du qadar, c'est kufr, c'est une mécréance. Si tu rencontres Allah avec ses shubuhat au sujet de la prédestination, tu risques de tomber dans la mécréance. Tandis que si tu rentres devant Allah avec des péchés que tu as commis et que tu reconnais que c'est un péché, Allah peut te pardonner pour ça. Mais pour la bid'a et pour le kufr, ça c'est beaucoup plus grave. Et c'est pour ça que les salafs disaient, la bid'a est plus grave que le péché. Ibn Idris al-Khawlani a dit, je préfère voir dans la mosquée un feu que je ne suis pas capable d'éteindre que d'y voir une bid'a que je ne suis pas capable de changer. Parce que c'est plus dangereux. Le feu, si le feu brûle la mosquée, eh bien on peut la rebâtir. Hein? Mais si la bid'a reste dans la mosquée, commence à être propagée, et après c'est difficile de la changer et de l'éliminer. Yahya ibn Kathir a dit, si je rencontre une personne qui est sur la bid'a dans la rue, je prends un autre chemin. Abu Bakr ibn Ayyash a dit, oh Abu Bakr, qui est le sunni? C'est-à-dire, comment on fait pour reconnaître la personne qui est réellement sunni, qui est sur la sunna? Il a dit, c'est celui qui ne se fâche pour aucune des bid'ahs lorsqu'elles sont critiquées devant lui. C'est-à-dire, peu importe, tu vas critiquer les khawarij, les takfirin, les soufis, les ahbash, les shi'a, les rafidah. Peu importe la bid'ah que tu mentionnes devant lui, il ne se fâche pas, parce qu'au contraire, il est content qu'on critique la bid'a. Mais si on critique la sunna, c'est pas la même chose. Donc c'est pour dire que le vrai sunni, c'est celui, si tu critiques les gens de bid'a devant lui, et les différentes bid'a, il se fâche pas. Il est content de ça. Et l'imam Abu Moussa a dit, je préfère avoir comme voisin un juif ou un chrétien, un singe et un porc, que d'avoir comme voisin un homme sur la bid'a qui rendra mon cœur malade. C'est-à-dire, les salafs, ils préféraient les juifs et les chrétiens aux gens de bid'a. Parce que si le juif et le chrétien parlent, on sait que ce sont des koufars et on ne va pas être trompé par eux. Tandis que l'innovateur, si un imam, par exemple, un imam chiite, il rentre avec sa barbe et son apparence musulmane. Tu le vois, tu dis, ah, ça c'est un musulman. Et pourtant, il appelle à insulter les sahaba, à rejeter la sunna, et à plein d'autres éléments qui sont très, très, très dangereux et très graves. Et donc, il y a beaucoup d'exemples comme ça. L'imam Taous, il a dit, Taous était assis avec Talq ibn Habib. Et lorsqu'un homme de bid'a est rentré, l'homme a dit, me permets-tu de m'asseoir? Taous a dit, si tu t'assois, nous partons. Alors l'homme a dit, qu'Allah te pardonne, ô Taous. Il dit, c'est ainsi, je le jure par Allah. Si tu t'assois, nous partons. Alors, l'homme s'en alla. Et on va terminer avec un dernier exemple, qui a été mentionné par Asma, la grand-mère de Saïd ibn Amir. Il a dit, deux hommes parmi les gens de Bid'a sont rentrés voir Mohammed ibn Sirin. Et ils dirent, ô Abu Bakr, c'est-à-dire le surnom de Mohammed ibn Sirin. Ils ont dit, pouvons-nous te citer un hadith? Il dit, non. Ils dirent, alors, est-ce qu'on peut te citer un verset dans le livre d'Allah? Il dit, non. Soit vous partez, ou soit c'est moi qui pars. Et dans une autre narration, Ayyub a dit, je ne veux pas que vous me lisiez même pas un mot. Même pas la moitié d'un mot. C'est-à-dire, il ne voulait pas du tout rentrer dans les discussions, dans les argumentations, dans les débats au sujet de la religion. Et ça, en même temps aussi, c'est un sujet très important. Et ça fait partie des fondements d'Ahl Sunnah, de ne pas débattre au sujet de la religion avec des gens d'innovation et de ne pas rentrer dans les argumentations avec eux au sujet de la religion. Tu établis la preuve, tu établis la Sunna et tu t'en vas. Et tu ne rentres pas dans des débats ou des argumentations. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. ودمر أعداء الدين. وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. وانصر المسلمين القائمين على السنة. والذين ينشرون السنة ويدافعون عن السنة ويردون على البدعة وعلى أصحاب البدع يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله استووا اعتدلوا صووا صفوفكم سدوا الفرج لا تختلفوا فتختلف قلوبكم إن تسوية الصفوف من تمام الصلاة الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر.